بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طيب، ندخل اليوم في الحديث 41 كاونتينيوم حديث، ونكمل إن شاء الله بالثاني 42 كدوزيام حديث. يقول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. سلم أبو محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما إلى دي المسجد الله صلى الله عليه وسلم أدي qu'aucun d'entre vous ne croira tant que ses passions ne seront pas en conformité avec mon message, ce avec quoi je suis venu, ce que j'ai apporté. Naam. Donc, al-Nawawi, ce hadith, il l'a authentifié. Ou al-Hadith, il haqiqa fi kalam. Hadith, il est discutable. Plus d'un, parmi les hufaz, parmi les ulama, l'ont affaibli. Wa ma'a dhalika, yabqa ma'anahu yushad lahu adillat ukhara. Il y a d'autres adillets qui viennent pour témoigner de ce sens, qui est correct. Donc, en premier lieu, يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. Qu'aucun d'entre vous ne croira tant que ses passions ne seront pas en conformité avec mon message, c'est quoi je suis venu. Quand il dit لا يؤمن أحدكم, aucun d'entre vous ne croira. هذا على وجهين. على وجهين. Premier, c'est celui qui déteste ce avec quoi est venu Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hada min nawaqid al-islam. Ça, c'est parmi les choses qui viennent de l'islam. Une chose de l'islam, tu la détestes pour ce qu'elle est en elle-même. Tayyib. Cela, c'est ça sort de l'islam. Comme a dit Ta'ala, ذَلَكَ بِنَمْ كَرِهُمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَتَ عَمَالُهُمْ. Le fait que comme ils ont détesté ce que Allah a fait descendre, leurs actes ont été annulés. Donc ça, c'est un point important. Après cette karaha, on a déjà parlé auparavant, qu'elle est de deux formes. Il y a une karaha diniya ou nafsiya. Celle qui est liée à la chose en elle-même pour le côté religieux qu'elle a, et celle qui est née, et qui est liée, plutôt du nafsiya, c'est tabi'iya. Non, tabi'iya. Et ce qui est, on va dire, à la détestation, on va dire, naturelle, qui est liée pour ce que cela peut apporter comme machaka sur la personne. Son nef n'aime pas ça, mais en lui-même, il reconnaît le fond de cette adoration. Taïeb. Donc, ça, ce sont des gens, yakra'oun, on va dire le mot kariha, parce que, voilà, yani, shi'an mimma urzimubi, laysa ma'ana adam al-qaboul wal-ridabi, wa innama lima yahsul lahum, من مشقة في نفسهم ou غربت شهواتهم. Sont des gens, par exemple, ils ne détestent pas la religion ni les ordres, mais ils ont tellement de shahwat, de hawa, de passion en eux, qui amènent vers autre chose, que ils n'arrivent pas à appliquer ces choses-là. Et ça, ça fait partie de l'islam. Ça, c'est un axe dans l'iman. C'est un axe dans l'iman. Exemple, des gens, ils sont fainéants. Ils veulent pas faire la salat en jama'a, au masjid. Ils la font chez eux. Il dit pas, je déteste le masjid. Mais il dit, c'est loin, j'ai la flemme, ou il est occupé, il regarde autre chose à la télévision, et il dit, après, il rate. Il sait que c'est wajib, il reconnaît le wujub. Mais il a un daf. Comme c'est le cas de beaucoup de péchés. C'est le cas dans beaucoup de péchés. C'est ça. Les gens connaissent que la chose, elle est wajiba, mais ces shahawats sont trop forts, ils n'arrivent pas à s'en passer. T'en as, ils savent que zina s'interdit, leur petite copine, ils n'arrivent pas. Bien qu'ils savent que c'est pas bien. T'en les boivent de l'alcool. Ils savent que c'est pas bien. T'en les écoutent de la musique. Ils savent que c'est pas bien. Moi, je parle de gens qui reconnaissent. Pas de gens qui disent, ouais, c'est halal et ils sortent des shubuhat. Je parle de gens qui savent, qui reconnaissent. Wa, ja, fi kulli azza wa jal, kutiba alaykum al-qital, wa makrun hakum. Wa asa an takrahu shay'an wa khayrun lakum. Wa asa an tuhibu shay'an wa sharrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Que le combat vous a été prescrit. Alors qu'il vous est détestable. Il se peut que vous aimiez détestiez une chose alors qu'elle est bonne pour vous, tout comme il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est mauvaise pour vous. Allah sait, alors vous ne savez pas. Donc là, Allah Azza wa Jalla, dans ce verset, il parle de qui à ce moment-là, aux sahaba. Hal fi ma hadha abadan. Abadan. Dans le sens que, on l'a expliqué la dernière fois, c'est une chose qui est dure pour le nefs d'aller combattre. Car tu as peur. Tu as peur de la mort. Quand on dit la mort, c'est pas de fait de rencontrer Allah Azza wa Jalla. Mais, mufarakat ad-dunya. Il y a une mashakka. Tamam? Tu as peur de la blessure. Tu as peur de toute la fatigue qui en découle. C'est une peur naturelle. Comme demain, on te met devant un lion, tu auras peur de lui. Car tu sais qu'il a danger pour toi. Il t'est nuisible. Donc là, c'est, on va dire, une détestation qui est naturelle. Il y a choukala nafs. Mais le cœur, il veut le faire. Il dit, je vais le faire. Et il aime cela. C'est-à-dire, c'est le côté iman. Il aime cela, qu'il sait qu'il y a du H derrière. Et son nafs, comme encore le ta'ala, inna nafs al ammaratun biso. Que ton âme t'appelle au mal à la base. Donc t'as pas envie par rapport à cela. Et c'est ça le jihad. C'est faire un effort sur soi. C'est ça le jihad. Donc, ce qui est appuyé par ce hadith, c'est qu'Allah Azza wa Jal, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا جِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas tant qu'ils ne t'auront pas fait juger entre eux et qu'ils auront agréé ton jugement, qu'ils s'y soumettront totalement, sans ressentir aucune gêne en eux. C'est-à-dire que ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam aura décrété, tu dois l'accepter. D'accord? Et là, Allah dans le Coran, il dit bien, non, par ton Seigneur, ils ne croiront pas. Ça revient à ça. Si demain, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il émet un jugement, même lié à l'wahi, et que tu dis, tu n'acceptes pas ou tu n'aimes pas, tu auras mécru à ce moment-là. Tu détestes ce qu'il a dit. D'accord? Tu auras mécru à ce moment-là. قال النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث أنس رضي الله عنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. Aucun d'entre vous ne croira réellement tant que je ne serai pas plus aimé auprès de lui que son enfant, son père, de tous les gens. Donc si le Nabi صلى الله عليه وسلم, ton amour pour lui passe devant tout, alors ce qui va apporter, tu vas le faire, tu vas agréer et tu vas aimer. Tu vas aimer le faire. Ce qui s'oppose à ce hadith. Donc les hawa, c'est très dangereux. Suivre les passions, c'est un danger. Les passions, elles ont un côté qui peut être mahmoud, louable, comme dans ce hadith, si elles sont en conformité avec la sunna. C'est-à-dire ce que la sunna te dit de faire, ton nefs est attiré par cela à la base. Il aime cela. Quand quelqu'un il est habitué à la sunna, au bout d'un moment, ça devient pour lui normal. Et les choses qui s'y opposent, il les déteste. Par exemple, tu es habitué à la barbe. Quand tu vois quelqu'un qui est rasé, tu n'aimes pas ça. Je trouve ça laid. Alors qu'auparavant, avant l'islam, c'était le contraire. À propos d'un moment, maintenant, tu vois un homme, quand il est rasé, tu le vois, il est pas beau. C'est laid, c'est, tu vois, ça fait pas digne, ça fait pas noble, c'est rabaissant. Un homme qui se rase. Alors que à la base, pour eux, c'est un truc normal. Mais pour nous, c'est quelque chose de grand. Tu rases ta barbe. Qu'est-ce que ça? L'isbel, par exemple, vers François Chivi, quand tu vois quelqu'un qui est mosbil, c'est horrible à regarder. Au début, avant ça, on t'aurait dit, mets tes vêtements sous les chevilles, t'aurais dit, À part quand c'était la mode des pantacours. On t'aurait dit, mets ton pantalon sous les chevilles, t'aurais jamais pu faire ça. T'aurais dit, je vais l'air de quoi? Je me rappelle même quand j'étais chez la Arbèche, au début, quand j'allais fréquenter leur centre pour faire la salat en groupe, lorsque l'OGT est avec eux, ils avaient parlé justement de l'isbel dans leur douloureuse. Il y en a, elle a dit, ça, c'est à la base, c'est vrai que ce qui dépasse des chevilles, c'est haram. Il a pas voulu faire le ta'oul comme certains, ouais, si t'es pas orgueilleux, non. Ils ont dit, c'est haram. Mais il a dit, aujourd'hui, là, en France, on fait ça, on va être ridicule, donc, on va pas se mettre de faire ça. Il a dit le hadd de sa bouche que beaucoup veulent essayer de cacher. Tu vois, il dit, moi, je peux pas orgueil. Dis que t'aimes pas ça, et que c'est pas beau, à tes yeux, et t'as peur de passer pour un clown devant les gens. Dis-le. Tu vois. Mais dis pas, ouais, je veux pas orgueil. Car dans le hadith de Abu Bakr al-Siddiq, quand il a dit, que, il expliquait que lui, quand le Nabi sallam, anta la tafalu khuyala. Tu ne fais pas par orgueil. Pourquoi? Car il disait, moi, j'attache mon kamis avec une corde ou quoi, et il tombe. Ça veut dire quoi, Abou Bakr? Ça veut dire qu'il essayait de relever son vêtement, et il tombait malgré lui. Ça revenait à ce qu'on disait hier. Que Allah nous pardonne ce qu'on a fait par erreur sans le vouloir, délibérément. Et ils prennent ça comme hujja. Il n'y a aucune hujja, au contraire, c'est contre toi. Abou Bakr, il a bien dit que lui, il levait son qamis. Toi, tu le baisses et tu te sers de son col à lui. Là, tu vois. Donc, les gens, ils n'aiment pas ça. Et après, ils vont chercher des khilaf, des ulama, des ta'wilat fasida, tirés par les cheveux, pour pouvoir justifier leurs actes. Dans plein de domaines, là, c'est un exemple que je donne de Lisbelle. Mais t'as plein de trucs, c'est comme ça. Tu vois. Et surtout ce qui touche à l'apparent. L'apparent, qu'aujourd'hui, les gens, justement, leur hawa, ont été influencés par les coutumes des koufars, ils veulent leur ressembler. Surtout dans les pays de koufre, là où ils vivent, là où c'est les pires. Et après, maintenant que la télé, tout ça, ça arrive juste sur le pays d'islam, les gens sont malheureusement touchés par ça. Ils sont touchés par ça. Donc les gens, quand ils veulent chercher justement ils ont un hawa en eux, une chose, une passion en eux, qui ne coordonne pas avec leur religion, ils tombent dans quelle règle? Al-irtiqad, thumma al-istidlal. C'est je crois, une fois que j'ai cru, je cherche la preuve de ce que je crois. Et là, justement, comme on dit, ils remuent les terres pour trouver une chose qui correspond à ce qu'ils ont dit. Il sort un hukm que lui, qui correspond à ce que lui, il veut. Il sort un hadith, tu dis hadith maudou'a. Après, il sort un verset, tu dis le tafsir du verset, c'est pas ça. Après, il sort le coup d'un alim, tu dis l'alim, il est pas ma'soum. Et en plus, quand t'as raja'an dans l'alcool, c'est qu'au l'fani, Shafi'i, il a dit ça, c'était qu'au l'awwal. Qu'au l'fani, dit autre chose. Il te reste quoi maintenant? Il dit, je vais chercher. Tu cherches, tu pourras chercher longtemps. Tu vois. Tu dis, la dilemme, ils sont là. Ce que tu fais là, c'est pas ça. Il veut pas. Pourquoi? Parce que son hawa n'accepte pas cela. Dans son cœur, c'est déjà mis qu'il sache, il n'aime pas. Il veut pas. Donc, il va chercher. Même des fois, tu trouves ça même chez des ulama aujourd'hui, ils ont un avis qui est ancré dans leur esprit. D'accord? Et après, pour interpréter cet avis, ils viennent avec des ta'wila, des hadiths, et tu vois que le hadith ne correspond pas à ce qu'il dit. Tu dis, hadal hadith, et tu peux réfuter sur lui, c'est pas le point. Un alim, je te parle. Hein. Pourquoi? Parce qu'en fait, son col, il ne correspond pas au haq. Donc, quelqu'un, il vient même à amik al-haq, il peut répondre à sa alim. Avec un hadith, avec un verset. Quelqu'un vient d'un baf, un mujallad, rempli de qal, tu dis un verset. Mujallad, il est fermé, tu peux mettre dans ton armoire. C'est fini. Un verset, un hadith. Sahih, c'est fini. Donc, voilà. Et, ittiba la hawa, ada amrun khatir jiddan. D'accord? Même le hawa, une passion, ça peut être nommé comme hilal. Comme encore l'état ara, araïta l'azit taqaza ila hawa hawa, wadallahu allahu ala in, wa khatama allahu, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala lahu ala basari hijab wa shawa. Wa man yahdi min ba'dillah. Wa man yahdi min ba'dillah. Shahid, il a dit, as-tu vu celui qui a pris ses passions comme divinité et que Allah a égaré à la ilm et qu'il a scellé son oui, son cœur et qu'il a mis sur sa vue comme une couverture, une chose qui couvre et qui donc pourra le guider après Allah. Personne. Wa qala ta'ala, ya Daoud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bima anzala Allah wa la tattabi' al hawa. Donc il a dit à Allah Azza wa Jal, ô Daoud, nous t'avons mis comme calife sur terre, alors suis ce que Allah fait descendre. Ne suis pas les passions qui intégreront du sortir d'Allah. Et celui qui suit ses passions, il aura un dur châtiment pour ce qu'il aura oublié du jour des comptes. وهكذا. ويقول الله عز وجل ومن نهى النفس عن الهوى ومن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنتين المأوى. Et celui qui aura eu peur de la rencontre de son Seigneur et qui aura interdit son nefs de suivre ses passions, enfin le jenna sera son abri. Naam. Donc tout ça, c'est des adillah qui montrent le danger de suivre les passions. Donc les passions, si c'est à quelqu'un de mouafok, elles vont coordonner avec la sunna. Et il dit Allah Azza wa Jal, فَإِنَّمَا اسْتَجِيبُوا لَكَ فَعَلَمَا أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَتَّبِعُ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ. Que si jamais ils ne te répondent pas, c'est-à-dire au moment où tu appelles au haq et qu'ils se détournent, alors sache qu'il ne faut que suivre leur passion. C'est les passions qui t'empêchent d'accepter la vérité. Ah ben, les passions. Et qui donc est plus égaré que celui qui suit ses passions sans guider d'Allah Azza wa Jal. Et les gens qui ont des hawa en eux, ça apparaît sur eux. Ce que les gens, par exemple, nous appellent une passion, dans le sens qu'on connaît, ou un hobby, chose qu'ils aiment vraiment, qui accroche à leur cœur, tu les vois en eux. Celui qui aime la menuiserie, tu vas le voir qu'il aime la menuiserie. Celui qui aime le football, qui aime le sport, tu vas le voir tout de suite qu'il aime cela. Tout comme celui qui aime la sunnah, tu vas le voir aussi également. C'est une chose qui apparaît. D'accord? Comme on a dit dans le hadith, fil jasad boudra, ils est salahat, salahat jasad kullu. Un bout de chair, si jamais il est bon, tout le reste du corps sera bon. Ça va apparaître en toi. Ça va apparaître en toi. Après, en mesure de ton niveau de science ou de ton jahel, il peut ce qu'il y ait une défaillance. Par exemple, quelqu'un aime la sunnah, mais l'ignorant, il fait des erreurs. Mais quand il apprend, quand il voit qu'au fur et à mesure, il s'améliore, il s'arrange. Hatta yakun, masha'Allah. Bien, sur la sunnah, apparent et ferme. Comme des fois, au début, on a souvent eu ça de la fougue. On ignore, mais on aime tellement la chose que des fois, on se lance. Quitte à dire des paroles, ignorant. Car on veut vraiment défendre la chose. Ça nous arrivait tous, arrivé, et jusqu'à aujourd'hui, ça nous arrive encore. Car là, tu as un amour pour une chose et tu n'arrives pas à admettre que cette chose-là, elle soit pas bonne. Par exemple, tu vas trouver un débutant, il va nakash avec un moubtadir, et le fait qu'il sache que c'est un moubtadir, tout ce qu'il va dire, il va le rejeter. On dit, ma yalzam, il se peut qu'il dise une chose qu'elle est vraie. Bon. Et t'as plein de frères salafis, c'est ça qui leur arrive beaucoup en France, qu'il faut que plein de gens les déprécient à cause de ça. Car ils ont un amour pour la salafia, mais ils n'ont pas l'haine. Et ils ont une haine pour la bid'ah, ils n'ont pas de tamise. Des fois, le moubtadir, il va avec une mas'ala, et tu vas dire, qui c'est qui a dit ça? C'est l'autre, c'est un tabiri, mais ce qu'il a dit, là, dans un masala, il a dit la vérité. Tu vois? Il a dit la vérité. Par exemple, tu vas faire une sunnah, tu vas mal la faire. Il va arriver t'expliquer. Comme tu doutes de lui, tu es lui, il veut m'égarer, lui. En fait, il n'aime pas la sunnah, il veut pas faire une bid'a à lui. Tu dis non. Il te dit, c'est comme ça la sunnah. Tu dis, non, t'acceptes pas. Il dit que le hadith, il regarde. Le hadith, il dit kada, kada, kada. Après, le jeune, il regarde, le hadith dit Tirmidhi. Je ne sais pas s'il est authentique. Il y a un truc avec peut-être de Sheikh Al-Bani. Tiens, regarde, Sheikh Al-Bani, ton Sheikh, regarde ce qu'il dit. Le hadith, Hassan. Tu vois? Dans le sens, n'aie pas peur, ce que je te dis là, c'est pas tout ce que je dis qui est faux. Tu vois? C'est pas tout ce que tu as dit, il dit que c'est faux à 100%. Si je te dis là, il est là, tu vas me dire non. Si je te dis Mohammed Rasulullah, tu vas me dire non. Et là, je te dis un hadith, une sunnah que tu as mal faite, kaza. Donc à ce moment-là, tu le remercies. Mais tu fais attention parce que il va te dire une fois vrai, deux fois vrai, quatrième fois ou troisième fois, il va te placer. Voilà. Il va te placer. Comme Kahin avec les Shayatin. Il descend une vérité avec elle sans mensonge. D'accord. Donc celui qui a l'ilm, il va voir la vérité, elle est où. Il va dire ça, sadaq. Et si moi il a l'ilm, il va dire, par contre le vol, hada, batil. Ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Par exemple, ça c'est faux. Donc là, le but, c'est que notre hawa soit en conformité avec la sunnah. Et ça vient avec comment? Avec le mumarasa. Déjà, le tawfiq minallah azza wa jal. Et plus tu appliques la sunnah, plus tu vas apprendre, plus tu vas l'aimer. Plus tu vas l'aimer. Et ça va devenir pour toi-même naturel. Les choses de la sunnah, tu vas les voir, elles vont te plaire. Les choses qui s'y opposent, elles vont te déplaire. Ça va t'écœurer. Naam. Fa'adha ma yata'allaq bihadha al-hadith. Donc le khurasa, ce hadith, le fait de que nos passions soient en conformité avec la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ça amène à deux choses. Si on déteste cela, ça amène à mécroire. Et si jamais c'est juste, on a des charouettes qui sont fortes, des défauts qui amènent à ce qu'on puisse les appliquer ou qu'on ne puisse y être attiré en soi directement sans pourtant les rejeter et les nier, ça c'est marsiya. Ça peut être du fisc ou wakada, ça ne sont pas des seuls forcément. Différencier entre les deux points. Sans quoi, tu ouvres un verbe au taxi, tu vas kaffar tout le monde. Tu vas kaffar tout le monde. On se double là. Dès que quelqu'un fera une chose qui est pas dans la sunnah, même nous, il y a des choses qu'on fait. Cheikh Al-Bani, lui-même, il le dit. Il y a des choses, des bidons, on les fait sans rendre compte. Comment? Par exemple, un hadith qu'on a vu authentique alors qu'il ne l'est pas. N'amal lui. Car le haq le wahid. Quelqu'un te dit, ce hadith-là, il est maqboul. L'autre, il dit non, mardoud. Il est faible, l'autre il est authentique. L'un des deux qui a raison. Rejeter la sunna, ça peut être une bid'ah également. Et appliquer ce qui n'est pas une sunna, tu crois que c'est une sunna, c'est une bid'ah. Donc il y a l'un des deux qui va tomber dans la bid'ah. Mais, il est marzoul du fait que lui, il pense que ce qu'il fait c'est correct, après il a un niveau du shihad ou après il a suivi le cours d'un alim, son but c'est pas de faire une bid'a ou quoi. C'est que lui, ce haditha, il le voit correct, d'après les règles qu'il a. Donc il est mouchtaïd à ce moment-là. Et l'autre le voit incorrect, d'après les règles qu'il a. Là, je te parle de gens sérieux, je te parle pas de Asabahawa qui veulent affaiblir ce qui ne correspond pas avec, avec leur passion. Donc, plein d'entre nous, des choses qu'on fait des fois, par exemple, un exemple, Jalsat al-Istiraha, quand on a fait la salat, avant de se relever, après la deuxième rakat. Tu fais une salade de 4 rakat, masalan. Zor ou l'as. T'as fait ta première rakat. T'as fait tes deux sujouds, tu te relèves. Fatiha, surat, recours, tu te relèves, tu t'inclines, tu t'assois. Tu t'inclines, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu te relèves pour repartir. Et ben, dans la sunna, il est venu que tu t'assois un moment. Et après, tu te relèves. Et ben, cette jalsa là, ce moment assis, munaza'a fi. Dans la main, ils ont dit, non, ça, c'est quand le Nabi Sallam, il était âgé qu'il a fait ça. D'accord? C'est quand il était âgé qu'il a fait ça. Il ne l'a pas fait avant. Il avait une raison de le faire. Celui qui n'est pas âgé, qui n'est pas blanc, il n'a pas à la faire, il se lève directement. Donc, pour eux, en faisant cela, tu auras fait une bid'a. Autre khilaf, le qabd. Il fait de même la main sur la poitrine. Il n'y a personne qui va baddar, celui qui fait la vie opposée. Personne. Toi, tu vois que quand je me relève de nos cours, je mets la main sur la poitrine. Donc ils disent non, tu ne la mets pas la main. Personne ne va rendre innovateur l'autre. Mais le fi en lui-même, s'il n'est pas dans la sunna, c'est une bida. Celui, par exemple, si le call qui est réel, c'est de pas mettre la main sur la poitrine à ce moment-là, ben, le fait de le faire, ça sera une bida. Mais tu n'auras pas le choix de te dire pourquoi, ce que toi tu auras fait. Tu auras suivi le kalam des ulama mujtahidin. Il y a un wajh dedans. Et si jamais le call, c'est de mettre, de tenir les mains, à ce moment-là, ben, celui qui aura délaissé, il aura délaissé sunna. Par exemple. Il y a l'un des deux qui a raison dans 14. Mais ce n'est pas tout khilaf qui amène un tabdi ou un tafsir. Tu vois? Parce que là, on dit, c'est un irtimel. C'est pas clair. C'est pas wadih. Le khulas, faut dire que des fois, des choses qu'on fait, pour nous, c'est sunnah. Et même la qiyama, on verra que c'est pas sunnah, en fait. On verra que le hadith qu'on a pris, ben, en fait, c'était pas authentique, ou, qu'on a vu nous faibles, il était authentique, on verra qu'à. Et ça, c'est les masailles dans lesquelles le shihad, le khilaf, il est permis. Quand c'est, t'as pas un texte wadih clair qui te dit comme ça ou pas comme ça. ثم قال في الحديث الثاني والأربعين 42e حديث يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني عفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم إنكم لو أتيتم إنك لو أتيتني بكراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشتك بشيء لأتيتك بكرابها مغفرة رواه الترمذي قال حديث حسن صحيح أنس بن مالك رضي الله عنه dit avoir entendu le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire Allah, il a dit, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoqueras et que tu espéreras de moi, je te pardonnerai ce que tu as fait, quoi que tu aies fait, et je ne me soucierai pas, sans me soucier. Ô fils d'Adam, si jamais tes péchés atteignaient le sommet des cieux, ensuite tu me demanderais pardon, je te pardonnerai sans me soucier. Ô fils d'Adam, si jamais tu me rencontrais avec l'équivalent de contenu de la terre comme péché, c'est-à-dire tout ce qu'il y a sur terre, autant de nombre que tu as sur terre, tu as autant de péchés, et que tu me rencontres sans rien m'associer, alors je te rencontrerai avec le contenu justement de la terre comme pardon, en pardon. C'est-à-dire l'équivalent de tes péchés, je suis amené l'équivalent en pardon. Et Tirmidhi voit à authentifier le hadith et d'autres ulama l'ont affaibli. مع ذلك المعنى معروف واضح. Il y a plein d'adilés qui confirment ce hadith. Donc ce hadith, c'est un hadith qui est également Qursi. لأن الله عز وجل الآن هو الذي يتكلم. Nabi sallallahu alayhi wa sallam rapporte la parole d'Allah directement. Donc Cheikh Fawzan dit à ce hadith, il est salas jumel. Trois jumelas. D'accord? Et dans chaque jumel, Allah عز وجل يخاتم من fils d'Adam. Donc là, c'est un nida ilahi li jami' al-makhluqin. Yani min al-bashar. Je veux dire. C'est un appel pour tous les humains. Car on est tous mukallaf. Les règles de l'islam nous incombent tous. Même le kafir, tout ce qui fait de l'islam qu'il aura délaissé, qu'il aura enfreint, il sera jugé pour cela. Et en tête de tout cela, le shirk et le kufr qu'il aura commis. Donc Allah nous parle à tous dans ce hadith. En nous disant que tant qu'on invoquera Mada'a Outani ou Raja Outani, tant que tu m'invoqueras et que tu espéreras de moi, je te pardonnerai tout ce que tu as fait sans me soucier. Allah Azza wa Jal, Al-An Yamuruna ou Yahusuna ala An-Nadouahu ou An-Narjoua Minou. Il nous appelle à ce qu'on invoque. Comme on dit à Allah, ou de Ounia Stajib Lakum. Ou de Rabbukum de Ounia Stajib Lakum. إن الذين استكبروا عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. Donc Allah dit, votre Seigneur vous dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui s'enflent d'orgueil de mon adoration, c'est-à-dire qui délaissent mon adoration, je rentrerai dans la jahannam pleinement. Donc là, l'adoration, كما يقال, الدعاء والعبادة. L'invocation, c'est l'adoration. Donc ça chemelle tout. Quand il dit d'ouni, ça chemelle dua al-mas'ala ou dua al-ibada. C'est l'invocation qui la demande en elle-même et toute adoration que tu feras à côté. Ça rentre dedans. Donc tant que tu adores Allah et que tu l'invoques, wa raja utani, tu espères de lui. Wa raja min ibadatillahi azza wa jal. Comme a dit Ta'ala, wa man kana yarju liqa'a rabbihi falyamal 'amalan saliha wa la yushrik bi 'ibadati rabbihi ahada. Et ce verset résume tout le hadith. Il a dit, celui qui espère rencontrer son Seigneur, qui l'œuvre dans le bien, et qui n'associe rien à son Seigneur. Celui qui espère, quand même, rencontrer son Seigneur, c'est-à-dire sur le khayr, sur le bien, qui l'œuvre dans le bien, d'émanant ce bas monde, et qui n'associe rien à son Seigneur. Donc l'espoir, c'est parmi les ibadahs qu'il faut avoir. Tu espères d'Allah Azza wa Jal ce que seul lui peut t'accorder. L'espoir peut être accordé pour d'autres, parce qu'ils peuvent faire. Mais là, l'espoir, il va aller en lui-même, il est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce hadith, il amène à quoi? Al-husn al-dhun. Yani husn al-dhun billah Azza wa Jal, que tu penses du bien d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela, ce husn al-dhun, cet espoir, il est bâti sur les actes. Car un espoir bâti sur le délaissement des actes, c'est de la désillusion. C'est pas de l'espoir. D'accord? C'est pas de l'espoir. On a pris le hadith de, on a pas plus le sahabi. Le hadith, il est faible, mais il revient à ce moment-là, quand Allah, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, al-kayyis, man amila li ba'dil maut, wal-ajiz, wal-ladhi, at-taba'a nafsa wa hawa, wa tamanna ala Allah al-amani. Je vais le début du hadith, Al-Kayyis, dans le sens, on ne va plus dire le hadith au moment, que le Kayyis, c'est le Aqil, le réfléchi, celui qui œuvre pour ce qu'il y aura après la mort. Et qui espère d'Allah Azza wa Jal. Alors que le Ajiz, l'incapable, c'est celui justement qui suit ses passions et qui par la suite se fait des illusions, qui va avoir telle et telle chose. Donc toi, tu invoques Allah et tu espères de lui, donc tu as un husnuzun. Comme encore le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, لا يموت احدكم الا وهو يحسن الظن بربه. Que aucun d'entre vous ne meurt sans qu'il n'ait un bon soupçon envers son Seigneur. وقام قال في حديث قدسي عن ابي هريره قال الله عز وجل قال انا بحسن ظن عبدي بي. Je suis comme ce que mon serviteur pense de moi. Si tu penses du bien d'Allah عز وجل, tu vas trouver du bien de lui. Tu penses autre que cela, tu trouveras autre que cela. Donc les mu'min ou fi raja. À la base, il est entre le khawf et la raja. Entre la peur et l'espoir. Et les deux doivent être équilibrés dans sa vie. Mais au moment de la mort, ce qui doit l'emporter, c'est l'espoir. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, laqinu mawtakum la ilaha illallah. Alors, c'est-à-dire, insuffler, faites dire à vos morts, ceux qui sont les deux morts, pour faire la shahada. D'avoir l'espoir de leur Seigneur. D'avoir l'espoir de leur Seigneur. Surtout que c'est le moment où Allah peut tout pardonner. وَيَقُلُ اللَّهُ عَزَ وَجَلْ قُلْ يَعِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنُطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Ô mes serviteurs qui ont outrepassé ou qui se sont lésés eux-mêmes, c'est-à-dire par les péchés, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah et que Allah pardonne tous les péchés. Tous les péchés. Et ce verset est venu, descendu, comme dans le hadith d'Ibn Abbas, « Ja'u nas min ahli shirk, faqad ashraku wa aktharu, wa qatalu wa aktharu, wa zanu wa aktharu, faqalu ya Muhammadu, inna ladhi la tadu ilayhi la hasanun, falu akhbartana bi anna lima amilna kafaratan, fa'anzal Allah hadhihi al-ayah. » Que les gens qui faisaient du shirk auparavant sont rendus auprès de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Des gens qui avaient fait beaucoup de shirk, qui avaient beaucoup tué, qui ont beaucoup forniqué. Ils ont dit, certes, ce à quoi tu appelles est une bonne chose. C'est ça, tu peux nous informer que pour nos actes passés, il y a une expiation. Ils voulaient se repentir. Donc le verset, il est venu à ce moment-là. C'est l'une des causes de descendre de ce verset-là. Donc Allah Azza wa Jal, il pardonne tous les péchés, même le shirk, pour celui qui fait un tawbah sincère. D'où le fait qu'il est interdit de désespérer de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. وَمَنْ يَكْنُطُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ لِلْكَوْمُ الظَّالُونَ. Qui donc désespère de la rahmat d'Allah, à part un peuple dégaré. Le kunut min rahmatillah, hadai, wal-yes min rahmatillah, yu'adil al-kufr. Je dis, Allah ne peut pas me pardonner. C'est pas possible. J'ai fait trop de péchés. J'ai kaza. Allah wa tawwab, ar-rafour, ar-rahim, ar-raouf. Il accepte le pardon de ses serviteurs lorsqu'ils se repentent sincèrement. Ce qui amène à la deuxième phrase du hadith qui est Ya ibn Adam, law balagat dhunubuk anan as-sama'i thumma istaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Il a dit au fils d'Adam, si jamais tes péchés atteignaient l'eau des cieux, l'eau du ciel, ensuite tu me demanderais pardon, je te pardonnerai, sans me soucier. Et il y en a pris dans le hadith de Abizar, le long hadith, qui est Ashraf al-Hadith al-Hisham, quand il a dit à Allah Azza wa Jal, Innakum turti'una bil-layli wa-nahar, wa naghfiru dhunuba jami'a, fastaghfiruni aghfir lakum. Que vous fautez de jour et de nuit, je pardonne tous les péchés. Demandez-moi pardon, je vous pardonnerai. Donc Allah l'a promis qu'il te pardonne. Si jamais tu fais un istighfar sincère, un toba sincère. Et la toba sincère, ça t'emmène à, sur le moment, délaisser le péché immédiatement. Regretter et être déterminé à ne pas recommencer. Et si jamais c'est un droit de quelqu'un, tu dois lui rendre. Il y a un droit à l'expiation, tu dois la rendre. Donc à ce moment-là, Allah Azza wa Jal te pardonne. Même si tu étais le plus grand des koufars, le plus grand des faussaires, le plus grand des criminels, des mujrimines, et tu te repens et tu acceptes, Allah te pardonne. On a pris le hadith de cet homme qui a tué 89 personnes, il n'y a pas longtemps. D'accord ? Il a fait une vraie tawbah, ça a été accepté de lui. Et là, il y a un fork, comme Azakar ibn Qayyim, qui est entre la tawbah et l'istighfar. Hada, c'est comme l'islam et l'iman. Ils iftaraka, ijtama'a. Ils ijtama'a, iftaraka. Si un est cité, il englobe le sens des deux. Et si les deux sont cités, ils ont chacun un sens particulier à peu près. Et l'Ibn Qayyim, dans ce que je me rappelle, il dit que la tawbah, elle est surtout employée pour les actes passés. Et l'istighfar, l'iman sayati. Même tawbah lima qad mada wa al-istighfar lima sayati wa illa fa kilahuma li ma'na wahid. Thumma qala fi al-jumla al-thalitha, qui est la plus importante, troisième phrase du hadith, la plus importante. Ya ibn Adam, innaka law ataytani bi kurab al-ard khataya thumma laqaytani la tushrik bi shay'a la ataytuka bi kurabiha maghfira. Ô fils d'Adam, si tu devais me rencontrer avec le contenu de la terre en péché, de péché, et que tu me rencontres sans rien m'associer, je te viendrai avec l'équivalent du contenu de la terre en pardon. En pardon. Et ça, c'est quoi, hada? Al-shart, la tushriku bi shay'an. Tu ne m'associes rien. Hada wa tawhid. Comme encore l'État Allah, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha. Que Allah ne pardonne pas qu'on ne soit quoi que ce soit, mais pardonne en dehors de cela à qui il veut. Par contre, l'État Allah, ou Abudullah, ou Ratushtiku Bishéa, et adorer Allah ne le soucie rien. Donc, ça, c'est l'interdit suprême qui est le shirk. Car le shirk annule toutes les œuvres. Wallahu ashraku l'ahbata anhum makanu yamaloun. Après le shirk, on sait qu'il est de deux sortes. Al-Asra ou Al-Akbar. Al-Akbar, يُعْبِتْ الْعَمَلِ كُلَّهَا وَيَجَلْ صَاحِبَهَا مِنْ أَلِنَّارِ خَوَلَدِينَ فِيهَا وَيَجَلْ دَمَهُ حَلَالًا وَعِرْدُهُ وَكَذَلِكَ. Shirk Akbar, tu sors de l'islam. Tu es, si tu meurs de 600 au bas, tu finis au feu éternellement. وَلِعَذْ بِاللَّهِ. Dans cette dunya, ton sang et tes biens sont licites. Et toutes tes œuvres sont annulées. Toutes. وَلِعَذْ Akbar, lui, le Asra, à la fin, je veux dire, le Asra, il annule que l'œuvre dans laquelle ce shirk a eu lieu. Et après, un tatin mashia. Après, il y a un khilaf entre les ulama. Hel Allah yaghfiru al-shirk al-asghar. D'accord? Il y en a dans le hadith, dans le verset, Allah yakul, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, wa an yushraka bih, il dit dakhala an fil fi'l, yu'awwal bil masdar. Ça passe une qaida nahwiya, qui veut dire, en fait, ça rentre dedans, que Allah ne pardonne pas al-ishrak bi. D'accord? Toute forme de shirk. Ou dans d'autres versets, voilà tout shikou bi shay'a. Ne lui associe rien. Là, c'est une forme indéfinie dans une interdiction. C'est-à-dire toute chose. Donc là, à ce moment-là, de ulama, ils ont dit que même le shirk asra, Allah ne le pardonne pas dans le sens où tu es obligé de passer au feu. Un temps. De façon irrémédiable. Voilà. Quand même, c'est inévitable. Ça, c'est un khidr chez le ulama. Ils disent que celui qui a fait du shirk asra, qu'il est mort sans tawba, il est obligé de passer un temps au feu pour expier sa faute. Donc, Allah t'a promis que si tu meurs sur le tawhid, masiruka al-jannah. Mahma fa'alt. Après, kod tu'azzab li ba'd zunub. Yaqul nabi sallallahu alayhi wa sallam, man shahida an la ilaha illallah, wa anna muhammad rasulullah, wa anna isa abdullah wa rasuluhu, wa kalimatuhu alqaha li maryam, وروح منه وان الجنه حق ونار حق ادخله الله الجنه على ما كان من العمل. Celui qui témoigne de la ilaha illallah et que Mohammed est le messager d'Allah et que Isa est le messager d'Allah également et sa parole et un souffle de lui qu'il a inclus dans Maryam et que le paradis est véridique ou vérité et que le feu est vérité, que Allah le rentrera au paradis quoi qu'il ait fait comme acte. Tamam, wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, man min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah thumma mata ala dhalika illa dakhala al-jannah. Il n'est pas un serviteur qui fait l'attestation et dans des versions bisitr puis ne meurt sans qu'il ne rentre au paradis. Et Abu Dhar, il a dit wa in zana wa in sarq, qala wa in zana wa in sarq, même s'il a forniqué et qu'il a volé. Trois fois il le dit. Wa in zana wa in sarq, qala wa in zana wa in sarq, qala wa in zana wa in sarq, qala wa in zana wa in sarq. Même si Abu Dhar, cela le surprend, en un sens. Et après Abu Dhar, il a peut-être le hadith, en rajoutant cet ajout. Même si Abu Dhar, il ne voit pas la chose, dans le sens, il la voit, mais par rapport au hadith, il était surpris de cela. Donc ça montre justement l'importance que l'auteur a donné à ce hadith qu'il a mis en dernier. Pour dire, après tout ce qu'on a dit comme un hadith auparavant, le plus important, c'est quoi? Le shirk et le tawhid. Que tu sois un mouwahid. Si tu meurs sur le tawhid, masiruka ila al-jannah. Et voilà, wa haq, haq al-ibad ala Allah. Comme qu'a le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, li mu'az, qu'a le mu'az, aïta tali mahaq Allah ala al-ibad, qu'a le Allah wa rasuluhu alam. Qu'a le haq Allah ala al-ibad, an ya'buduhu, wa lushiku bi shay'a. Summa qu'a le, wa tali mahaq al-ibad ala Allah, qu'a le Allah wa rasuluhu alam. Qu'a le alayu azib man, parce que, attends, deux versions. Il y a une version, c'est, la yu'azibu, mise fa'alou. Et une version, comme t'as dit. La yu'azib, man, le shikubi shay'a. Les hadiths se ressemblent. Les deux, c'est Mu'az en plus. Donc, dans le hadith, qui est connu, que le Nabi Sallam l'a dit à Mu'az, est-ce que tu connais le droit d'Allah son serviteur? Il a dit, Allah son sagesse, son plus savant, il a dit qu'il l'adore et qu'il ne lui associe rien. Connais-tu le droit des serviteurs sur Allah? Il l'a dit, pareil, que Allah son sagesse, son plus savant, il a dit qu'il ne châtie pas celui qui ne lui associe rien. Et on a dit, en fait, c'est pas vraiment un haq du fait que tu le mérites, mais à la fin de minallah. À la fin de minallah. Et c'est une chose que Allah s'est rendu obligatoire à lui-même. Sans quoi, on n'a pas le haq sur Allah. On n'a pas le haq sur lui. Donc il dit bien que même si tu viens sans shirk, avec des péchés aussi nombreux que le contenu de la terre, que Allah te pardonnera tous ces péchés-là. Maintenant, le pardon, ça peut être une expiation également. Tu peux passer au feu, comme on l'a expliqué. Tu peux avoir l'azab du kabr, ou l'a'ouz billah. Après, dans le barzakh, eschati ou akaza. Mais au final, tu sortiras pour entrer au Jannah. Donc ça revient au verset qu'on a dit, وَمَنْ كَنَيَ رْجُولِكَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَيُشْرِكْ بِعَمَلَتِ رَبِّهِ أَحَدًا. Et celui qui espère rencontrer son Seigneur, qui l'œuvre dans le bien, et qui n'associe rien à son adoration. Ce verset-là, il résume ce hadith en lui-même. Qui nous appelle à espérer, à penser du bien, à invoquer, à nous repentir, et surtout à ne pas associer. Surtout à ne pas associer. Naam. Donc de là, s'achève, fadlallahi ta'ala, ce ta'alikot, il y a une miyassara fi hadal kitab. On ne prendra pas les ajouts de Ibn Rajab. نكتفي بهذه الحديث التي ألفها النووي ونسأل الله أن نجعل ذلك في ميزان حسنات هذا المؤلف وأن ينفعنا بما قلنا وما سمعنا وما قرأنا فإن أصبت فمن الله فبهذا قد نكتفي ونقول سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.